j'ai décidé qu'il fallait retrouver, à partir de vendredi, le confinement qui a stoppé le virus. C'est le 26e jour de ce nouveau confinement, et si tu ne sais pas quoi regarder aujourd'hui, ça tombe bien, car Ulysse te conseille À la poursuite du diamant vert de Robert Zemeckis. First of all, guess who else is here? You're dead right, Solo. What? Secondly, she's got herself a partner who likes shooting holes in everything. The minimum price for taking a stranded woman to a telephone is $400. $375 in traveler's checks? Not a deal. Donc, À la poursuite du diamant vert, c'est un film d'aventure sorti en 1984. Et si tu aimes Indiana Jones, tu vas bander sa race. Donc, à la vraie dire, À la poursuite du diamant vert, donc déjà avec son petit trio d'acteurs, ma foi, fort bandant, à savoir Kathleen Turner, Michael Douglas et Danny DeVito, c'est un film qui raconte les mésaventures de notre cher Joan Wilder, qui est une romancière de bouquins à l'eau de rose, qui un jour en fait va recevoir une carte et un mec va la menacer, va lui dire avec l'accent: tu vas la mener cette carte au Mexique, à Cartagena, en Colombie, à Cartagena, sinon je vais tuer ta sœur. Et du coup elle va aller du coup en Colombie pour ramener la carte. Et sauf que sur le chemin de Cartagena, elle va se paumer et va se retrouver en plein milieu de la jungle avec Michael Douglas en personnage qui s'appelle Jack Colton, qui est génialissime. Je vous en reparlerai après de ce mec. Et donc ils vont devoir vivre des mésaventures jusqu'à Cartagena alors qu'ils se font poursuivre par Zolo, qui est un petit connard qui contrôle les polices et qui veut absolument la carte pour lui. Eh bien, déjà, je vous avais dit que je vous parlerais du personnage de Michael Douglas, donc Jack Colton. Il est absolument génial. Je pense que s'il y avait un duel de mon personnage préféré entre Indiana Jones et Jack Colton, c'est Jack Colton qui remporterait la mise. C'est un personnage qui est tellement blasé de la vie, qui ne prend plus rien au sérieux et qui a des punchlines totalement génialissimes. Notamment une scène qui me fait mourir de rire, où t'as John Wilder qui avec ses talons hauts dans la jungle, et t'as Jack qui lui chope les chaussures et qui défonce le talon avec sa machette. Elle fait: putain, mince, mes chaussures italiennes. Il la regarde, il fait: bah maintenant elles sont colombiennes. Putain, on dirait un grand-père qui raconte une blague à la con. Eh bien, donc voilà, on a aussi le personnage de Danny DeVito qui est très très drôle. De toute façon, c'est vraiment une comédie romantique, en fait. Voilà, ce que je voulais dire, c'est une comédie romantique sauf Indiana Jones, parce que le film se concentre beaucoup sur la romance. C'est pas pour rien que le titre original du film, c'est Romancing the Stone. Et pour la petite information, Robert Zemeckis a fait ce film juste avant de réaliser Retour vers le futur. Et je vous explique pourquoi. Alors, petite discussion entre Robert Zemeckis et Steven Spielberg. Allô, Steven ? Eh, salut, Robert. Comment ça va ? Bah, je t'avoue que là, je suis chaud pour faire le projet Retour vers le futur. Ah ouais, Retour vers le futur, ouais. Ouais, tu devais me le produire, n'est-ce pas ? Ouais, oui, oui, bien sûr. Je vais te le produire, il n'y a pas de souci. Ah, ok, cool. Mais par contre, si tu veux que je te le produise, il y a un truc très important. C'est quoi, du coup, Steven ? Qu'est-ce qui est important ? Eh ben, c'est très simple, tu vois, ton dernier film, La Grosse Magouille, ça a fait un gros four, mon pote. Vraiment, c'était catastrophique. Ouais, je sais, j'ai un peu merdé sur ce coup-là. Ouais, je sais que t'as merdé. Bon, si tu veux que je te produise Retour vers le futur, il va falloir que tu fasses un film qui marche bien, qui rapporte de la thune, mais sans moi. Moi, je te produis pas. Et si le film fonctionne, je te produis Retour vers le futur. Ok, pas de soucis, je vais faire ça. Et du coup, il a fait À la poursuite du diamant vert, qui a plutôt bien marché. En même temps, tu mets un film d'aventure avec Michael Douglas. Voilà. La musique du film a été composée par Alan Silvestri, donc qui a aussi composé plein de musiques, notamment celle de Avengers, celle de Forrest Gump, celle de Retour vers le futur, celle de Ready Player One. Donc un très très grand compositeur, et j'aime beaucoup cette musique qui est très très années 80, avec du bon gros saxophone, des bonnes grosses percus qui font très très jungle movie. Petite mention spéciale à la musique Escape in Little Mule, qui je trouve à la fois très très onirique et à la fois très très épique, avec une bonne grosse guitare électrique, comme on les aime. Donc voilà, je pense que avec ça, c'est impossible que tu ne regardes pas ce film. Vraiment. il est trouvable, ça je sais pas, c'est Hugo qui va vous le dire, lui il a fait des recherches, moi je fais pas de recherches. C'est là où je reprends le lead. Alors il est trouvable à la location sur Microsoft, Canal VOD, Google Play et YouTube. Voilà, il n'y a pas d'achat en démat. Par contre, Ulysse a un truc à dire sur le format physique. Oui, j'ai le Blu-ray, et le Blu-ray est très cool. Achetez le Blu-ray du film, voilà. J'aime le format physique. En fait, j'ai le Blu-ray et le DVD du film, c'est incroyable. Utilité sur 20. Non, mais ferme ta gueule, j'avais le DVD, puis j'ai perdu le DVD, alors je me suis acheté le Blu-ray et j'ai retrouvé le DVD après. J'aime beaucoup cette anecdote. Pour l'information, le DVD était dans un placard qui était fermé à clé. Oh, j'avais pas la clé, bordel de merde, j'avais pas la clé. Saviez-vous, Ulysse est une des seules personnes en France à posséder un DVD d'Elmo au Pays des Grands Cheveux. Bientôt, ce sera plus le cas, faut que je donne à Roman. Ce sera plus le cas. Si vous voulez savoir pourquoi, on vous redirige vers l'épisode du podcast de la nuit qui, on l'espère, entre-temps, sera sorti parce qu'il reste quand même 3 heures à monter. Ouais, je vous redirige aussi vers mon super compte Instagram où il y a des analyses beaucoup plus poussées que les analyses de merde que fait Hugo. Merde, c'est vrai qu'on est en train d'enregistrer, que c'est dans le même chat que moi, j'ai pas fait si gaffe. Si vous avez été convaincu par ce film, vous pouvez le regarder, mais bon, en même temps, bon, vous n'êtes pas obligé. Et sinon, on se retrouve demain pour une nouvelle recommandation. Salut. Salut à tous, c'est le Hugo du montage. J'ai toujours rêvé de dire cette phrase, c'est fou, vraiment. C'est tout le temps les youtubeurs qui sont là. Ouais, c'est le je sais pas quoi du montage. Ok, bah là, c'est le Hugo du montage. Alors, déjà, j'apporte des précisions parce qu'on parlait de l'épisode du podcast de la nuit qui, malheureusement, n'est pas sorti. Je m'excuse, j'ai pas vraiment pas eu le temps de monter. Je vais essayer de le sortir pour le week-end prochain, Grand Pax. Je vais essayer, j'essaye. Bref, c'était pas prévu cette intervention à la fin du podcast, mais juste pour vous informer que Monsieur Macron vient d'annoncer que les salles de cinéma réouvriraient le 15 décembre si les conditions étaient réunies. Alors, si c'est le cas, la semaine du 15 décembre sera consacré à des films que vous pouvez trouver en salle. Je regarderai la programmation, de voir ce que j'ai vu dans la programmation. Et il n'y aura que des films à aller voir en salle parce que je soutiens à mort la réouverture des salles et je veux que les gens aillent en salle. Voilà. Je ne sais pas si le podcast continuera après le 15 décembre. Je pense qu'il y aura une petite pause jusque Noël, jour de l'an. Et qu'après, on reprendra peut-être. Mais le but de ce podcast, c'était vraiment de base faire pendant le confinement. C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, mais qui me prend aussi beaucoup de temps. Donc, je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout. Et on verra bien. On verra bien. Déjà, on verra bien si les salles réouvrent. Et si les salles réouvrent, je vous ferai une semaine de films spécial à voir en salle. Voilà. Je vous laisse avec la BO du film.